quand j'ai plein de choses à dire, eh ben, je ne suis pas prêt. Alors, il a fallu que je fasse des petits ajustements, etc. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. C'est la saga des Fab Four, numéro 535. Nous sommes le 28 septembre de l'an 2022. Et l'album de la semaine, c'est l'amour. Love, les Beatles, en 2006. Ça va être donc très, très amoureux. Et en plus, j'ai vraiment... Là, on va être pris par le temps. Donc, comme j'ai très peu de temps, je vous le dis tout de suite, il y aura Drive My Car, The World, What You're Doing et Because ensemble. Il y aura Get Back, Glass Onion ensemble, Eleanor Rigby, Julia et plein d'autres d'extraits de l'album Love qui est fantastique. Il y aura du McCartney comme Jet par exemple. Pour Lennon, ce sera How sur l'album Imagine en 71. Harrison, ce sera Wow parce qu'on avait besoin de se la faire. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas faite. Ringo Starr, ce sera You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Qu'on ne peut plus dire maintenant. Si on pouvait le dire dans les années 70, dire tu as 16 ans, tu es belle et tu es à moi, c'est risqué. C'est très risqué maintenant. Mais bon, allez. Et puis, je voulais parler des analogues parce qu'on a fait un concert extraordinaire hier. Enfin, on a fait. J'ai assisté à un concert extraordinaire hier des analogues. Mettez-vous au frais. Branchez votre ordinateur sur www.rgfm.fr ou 90.7 si vous êtes dans la région bordelaise. Mettez-vous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, on va commencer de suite. L'album de la semaine, c'est l'album Love en 2006. Et le premier titre, je vous ai dit, une combinaison Drive My Car, The World, What You're Doing, associé à Because, à la suite sur RG qui commence maintenant. Because the Because the sky is blue. Juste la fin que vous venez d'entendre, c'est un morceau de travail de The End qu'on a dans les anthologies. Ça se termine comme ça, pas comme nous on l'a eu dans la version finale. Et là, pour évidemment à la radio, c'est pas pratique d'avoir supprimé l'orchestration. Si vous écoutiez bien au casque comme moi je l'ai fait, il y avait des bruits d'oiseaux entre les silences qu'on entendait. Et puis les voix, Lennon, McCartney, Harrison, trois fois. Ils se sont enregistrés trois fois pour faire 9 voix. Et c'est la perfection pure. Quelle beauté. Et d'ailleurs, les analogues ont réussi à nous sortir un Because de collection. Très très bien. Ça vous connaissez, pas besoin de vous le présenter. C'est Paul McCartney en 1973, donc du coup je vous le présente avec Jet sur RIG. I can almost remember the party places. which way I'm facing. How can I go forward when I don't know which way to turn? Don't know how to feel. John Lennon à l'instant sur RIG, émergeant entre les bordées révolutionnaires de Power to the People et le mauvais album, ça c'est moi qui le dis, Sometime in New York City. L'album Imagine, dont on vient d'entendre un extrait, représente une pause dans la carrière de porte-parole de la contre-culture de John Lennon. À chaque fois qu'il s'exprimait, il avait le don de paraître totalement convaincu. Pourtant, il était fort enclin à des intervalles de doute. Et Howe décrit un tel moment. En dehors de son orchestration ouvragée, cette chanson aurait logiquement dû faire partie de l'album précédent, l'album Plastic Ono Band. Et ses thèmes ne nous sont pas inconnus. Absence d'un sens à la vie, peur de l'avenir, incapacité émotionnelle. Bref, c'était les peurs de John Lennon. Et là, dans quelques secondes, ça va être un guitariste et sa pédale wah-wah. Alors montez le son, c'est George Harrison sur RIG. Faites-en profiter les voisins, faites-en profiter les voisins. C'est RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. cette chanson-là, si vous l'écoutiez au casque, la version 2020 que je vous ai proposée ce soir, elle est encore meilleure que tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Parce qu'il a dégagé un peu le mur de son, qui était bien, attention, de Phil Spector. Et il a rehaussé, Gilles puis Martin. Salut Gilles puis Martin, c'est un pote. Je ne sais pas s'il est à l'écoute ce soir, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est Gilles Martin, le fils de George Martin. Voilà, il fallait que je le dise en anglais pour pas que je me trompe comme ça. Pardonnez-moi, je suis mon petit quart d'heure de folie. Bref, cet album, All Things Must Pass, c'est un chef-d'œuvre, c'est absolument génial. Et je vous avais dit que à 82 ans maintenant, Ringo Starr, s'il chante You're 16, You're Beautiful and You're Mine, il va aller droit en prison. Mais dans les années 70, surtout ça a été écrit, voilà, faut aussi se dire, ça a été écrit pour des gens qui avaient 20 ans, qui parlaient à des gens qui en avaient 16, voilà, à l'époque. Enfin, pas tout à fait, mais presque, vous me comprenez. De toute façon, c'est une belle chanson. 1973, sur l'album Ringo, avec tous les Beatles, mais pas tout en même temps. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine, all mine. You're all rivers and girls, ooh, what a girl, eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine, oh my, my, my. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dream, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16. Comme je vous l'ai dit, les quatre Beatles, ex-Beatles, étaient présents avec Ringo, mais pas tous en même temps, surtout McCartney. Mais ils sont tous les quatre sur l'album à un moment donné. Et cette chanson a un petit quelque chose pour moi, je vous l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui viendraient, qui seraient des nouveaux visiteurs, je le raconte parce que c'est un moment assez amusant quand même. You're 16, you're beautiful and you're mine. À cette époque, j'étais aux États-Unis, j'avais 22 ans, et je sortais avec une certaine Alexandra qui était absolument splendide, qui était destinée, je l'espérais à l'époque, à devenir la femme de ma vie. Nous étions aux États-Unis et un pote à moi, qui était DJ dans un bar qui faisait de la musique, me dit, allez, tu rentres, tu dis rien, de toute façon, ta copine, elle parle pas anglais, donc ça ira. Comme elle fait plus de 18 ans, elle va rentrer. Bah oui, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer avant plus de 20 ans dans cette boîte-là. Et on rentre, et puis on commence à danser en prenant un verre tranquille, alors surtout pas d'alcool, parce que là-bas, c'est dans le Tennessee, avant 21 ans, c'est totalement interdit. Et à un moment donné, j'entends cette chanson-là avec le DJ, mon copain Randy, qui dit, il comprendra pourquoi je passe cette chanson-là, on était en 86. Pourquoi je passe cette chanson-là, c'est pour quelqu'un que j'aime beaucoup et sa copine. Et effectivement, Alexandra, à l'époque, avait 16 ans. Et donc, quand je lui ai dit tout ça, elle était toute heureuse. Et si un jour elle réentend cette chanson, peut-être qu'elle y pensera. Bref, revenons à la saga des Fab Four, parce que c'est bien beau de faire comme les nonnes, de raconter sa vie à la radio. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour écouter de la bonne musique. Nous avons écouté tour à tour les Beatles, avec Love, parce qu'il y avait plein de musique dedans, avec Jet pour McCartney, avec How pour Lennon, Wow Wow pour George Harrison, et à l'instant, You're 16, You're Beautiful and You're Mine de Ringo. Nous allons retrouver l'album de la semaine, puisque c'est à peu près toutes les 5 chansons, ce sera Get Back et Glass Onion, mais auparavant, il faut que je vous explique comment tout savoir sur les Beatles. Pour tout savoir sur les Beatles, il faut passer par le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres, et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Fabuleux cette idée de reprendre des titres de Lennon, McCartney, Harrison ou Starr et de les mélanger entre eux d'une superbe manière, de façon à ce que ça donne une nouvelle version, une version modernisée, une nouvelle chanson. Les versions historiques restent les versions historiques, bien entendu, mais c'est beau, c'est bien, c'est très très très agréable. Je vous propose de retrouver une version de l'anthologie. Nous sommes en 1964 et à une date bien précise, en avril 1964. Un mois et une année extraordinaire. Je ne vous dis pas pourquoi. Principalement composé par Paul, c'est un autre titre des séances de Help. Mais les Beatles ne réussirent pas à en enregistrer une version définitive. Durant les séances du 20 février au 30 mars 1965, ils en firent tout de même 24 essais avant de l'abandonner définitivement. La chanson exprime le point de vue d'un tiers sur une relation technique que les Beatles avaient déjà utilisée avec She Loves You. Cela leur permettait d'écrire pour d'autres voix que les leurs et d'exprimer des attitudes qui n'étaient pas nécessairement les leurs. Nous nous sommes aperçus que nous ne pouvions pas la chanter, résuma John. En fait, nous en avons fait une telle bouillie que nous avons préféré la donner à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'était P.G. Proby, un chanteur américain qui avait été invité en Angleterre en avril 64. Voilà pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. Pour participer à un show télévisé des Beatles et qui s'était lié d'amitié avec le groupe. Proby enregistra That Means a Lot, qui se classa 30e dans les charts anglais en octobre 1965. Donc, vous voyez, une bouillie pour John, c'est 30e dans les charts. Je pense qu'il y a pas mal de groupes qui auraient aimé avoir de la bouillie. Animateur radio, un homme et les auditeurs. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her. Treat her right, my friend. You're gonna find her you're gone. You're gonna find her gone. Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely Chante You're Gonna Lose That Girl dans une scène de Help, donc toujours en 1965, reconstituant un studio d'enregistrement dans les studios de cinéma de Twickenham. La chanson est interrompue lorsque des membres de la secte qui pourchasse Ringo découpent le plancher sous sa batterie depuis les sous-sols. Oui, parce que Ringo a des bagues qui appartiennent soi-disant à une secte et il est poursuivi à cause de ça. Et puis comme ses doigts ont un peu gonflé, il n'arrive pas à retirer les bagues et de toute façon il n'en a pas envie. Principalement composée par Paul, la chanson est un avertissement lancé à un autre homme disant que s'il ne traite pas sa petite amie correctement, le chanteur la lui prendra, développant ainsi un thème qui était déjà celui de She Loves You. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad. Sometimes she feels so sad. Alone in apartment she dwells, till the man of her dreams comes to break the spell. As she posts another letter to the silent fire, people gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, stepping into stockings, stepping into hide in the pocket of a raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day. Pendant très longtemps, avec ce coquin de McCartney, il fallait surveiller les 45 tours parce qu'il n'était pas sur les albums. Ici, Another Day, avec pour face B, Oh Woman Oh Why, était parfaitement inconnu et absolument très intéressant à avoir et très intéressant à entendre. Depuis, vous retrouvez Another Day sur l'album Ram, mais à l'origine, il n'était pas prévu pour cet album-là. Et vous êtes bien sur RG 90.7 pour la région bordelaise. Et si vous n'êtes pas sur Bordeaux, et même si vous souhaitez l'écouter sur un ordinateur, sur votre téléphone, sur ce que vous voulez, vous pouvez l'écouter sur www.rigfm.fr. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes peut-être en train de manger à cette heure-là, même une bonne crêpe dans un restaurant à Talence, vous savez, celui qui s'appelle Twist and Crêpe. Je leur envoie un bonjour parce que ce sont les seuls, en tout cas je connaisse, qui diffusent la saga des Fab Four en direct le mercredi soir, entre 20h et 22h. Et là, on va aller jusqu'à la fermeture parce qu'on va faire du surplus. Il y aura les analogues qu'on a entendus hier soir au Fémina à Bordeaux. Il y aura 7 titres des analogues en fin d'émission. Il faut me croire. Much more of this. Gonna put you in your place. Telling lies won't get you far. I learned that in my youth. I'm giving you just one more chance, and all I want from you is true. I don't believe you. I've been lied to. Forget about your credit cards. Forget about my rings and things. And the bottom for your nose. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But you won't see my face no more if you don't stop telling lies. I don't believe you. I've been lying. The truth is staring back at you, but you always break my heart in two. Oh, why? I know you think what's wrong is right. You seem so happy when we fight, so I won't be coming home tonight. No lie. Through these lonely eyes, truth is what you'll find. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But the next time that you do me wrong, I'll be kissing you goodbye. I don't believe you, 'cause I've been lying. Ringo Starr et puis moi une blague à 1 euro en disant je vous demande de me croire, ou il faut me croire, et le titre de la chanson c'était I don't believe you, donc je ne te crois pas. Nous retrouvons l'album de la semaine, l'album Love pour le Cirque du Soleil qui avait demandé à Gilles Martin de mélanger les sons des Beatles pour faire quelque chose de nouveau. Voici Eleanor Rigby mixé avec Julia, écoutez. Thank you.

cherché une chanson pour l'émission Our World. Tout comme When I'm 64, cette chanson s'inspire de la musique que son père jouait dans sa jeunesse avec le Jim Max Jazz Band. Jim McCartney avait formé son propre groupe de ragtime en 1919 et jouait dans les environs de Liverpool des morceaux comme Birth of the Blues ou Stairway to Paradise. Un jour, Paul surprit son père en enregistrant l'une de ses compositions rebaptisée Walking in a Park with Eloise sous le pseudonyme de Country Hams. Your Mother Should Know illustre une scène de Magical Mystery Tour dans laquelle les Beatles apparaissent en queue de pie blanche descendant un grand escalier et sont rejoints par une formation de danseurs et danseuses. Dans les paroles, le fait que n'importe quel succès connu de sa mère née en 1909 aurait été composé avant qu'elle ne fût née est logique, puisque l'on parle d'une époque où le succès n'était pas déterminé par les ventes de disques, mais par les ventes de partitions. Et oui, ça a tout changé à partir des années 50-60, quoi, on va dire quelque chose comme ça. Nous restons dans les années 60 avec carrément une sauce indienne, s'il vous plaît. Love You Too, Monsieur George Harrison avec les Beatles sur Revolver. Saga des Fab Four, c'est seulement sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Time to hang a sign on me. chanson et un instrumental collé côte à côte sur l'album London Town en 1978 par Monsieur Paul McCartney. Le titre du morceau, c'était Backwards Traveler et l'instrumental Cuff Link. Voilà. Vous êtes bien sur Érigé et je vous propose de rester avec Paul McCartney et une chanson qu'il malheureusement ne peut plus jouer et qu'il continue à jouer, je crois, en spectacle. C'est Maybe I'm Amazed, mais là je vous offre la version de 1970. La bonne, la belle. Quelle voix ! Paul McCartney en 1970 sur l'album McCartney. Et si nous revenions à l'album de la semaine, c'est Love, sorti en 2006. Et voici le mélange de Being for the Benefit of Mr. Kite avec I Want You, She's So Heavy. Un grand, grand moment de cet album. J'adore celui-ci. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters. Lastly, through a hogshead of real fire. In in this way, Mr. K will challenge the world. To celebrate it, Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. The band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Thing being some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Je savais que ça allait finir, donc j'avais déjà ouvert le micro. Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau. C'est très étonnant qu'une chanson aussi simple, I want you, she's driving me mad, et il ne dit rien d'autre ou peu s'en faut, mais c'est l'apport du synthétiseur qui monte crescendo en faisant un truc hypnotisant, ça me donne des frissons. Je sais qu'il y en a certains, ou certaines même sur Facebook, qui disent qu'ils n'aiment pas trop cette chanson-là. Eh bien, je trouve que c'est l'une des plus fortes de Abbey Road, même si Abbey Road essayait de demander à un fan des Beatles de sortir une chanson d'Abbey Road. Même Octopus's Garden, c'est bien. Alors, quand même, la phase B, interdit, on n'y touche pas, on la garde en entier. Et de l'autre côté, bah, c'est bien aussi, quoi. Hein, enfin bon, c'est les Beatles, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous en sommes à la cover, justement. La cover, c'est une chanson chantée par quelqu'un de connu ou pas. Ça pourrait être vous, si vous m'envoyez cette chanson-là. Mais ça doit être une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou pendant leur carrière solo, même si eux-mêmes reprenaient une chanson, déjà faisaient déjà la cover de quelque chose, de quelqu'un d'autre, un de leurs pères, par exemple, comme Little Richard ou quoi que ce soit. Donc là, cette fois-ci, ça va être en français, s'il vous plaît. Il a fait partie du groupe Téléphone. C'est Louis Bertignac qui, en 2018, sur l'album Origine, nous reprenait If Not For You de George Harrison en français avec ce titre Tu sais sans toi. Et je vous réserve une petite surprise juste après. Sans toi, sans toi. J'aurais rêvé d'une vie tranquille dans un coin plus pacifique, juste sous les tropiques. Oh bébé, sans toi. J'en veux pas, même mon paradis. Sans toi, ma vie n'est pas une vie. Aussi je reste ici. Tout contre toi. Tu sais, sans toi. Souvent dans mon lit, j'irai me perdre au bout de mes nuits à chercher des histoires. Oh bébé, sans toi. Tu sais, sans toi, je m'endormirai sur ma guitare à faire des rêves un peu bizarres. Rêver d'être star. Oh bébé, sans toi. Oh mais sans toi, moi j'en veux pas. Même mon paradis. Sans toi, ma vie n'est pas une vie. Aussi je reste ici. Contre toi. Tu sais, sans toi. C'est la saga des Fab Four numéro 535 sur RIG 90.7. Mais cette émission existe depuis 1984. On a entamé cette année, de septembre jusqu'au mois de juin, la 39e saison de la saga des Fab Four. Autant vous dire que l'année prochaine, au mois de septembre, quand on va entamer la 40e, ce sera, comment dire, j'ai choisi de dire que, comme mon anniversaire c'est au mois d'avril, j'ai dû la créer au mois d'avril. Je ne me souviens plus quand j'ai créé cette émission, en 1984. Je l'ai créé quelque part dans cette année-là. Alors, lorsqu'on arrivera aux 40 ans, au mois d'avril 2024, eh bien, j'espère que vous serez là et que ça va être absolument génial. J'espère que vous m'aiderez en me faisant des petits morceaux, en disant, par exemple, bonjour, je m'appelle un tel, j'habite dans telle ville, j'écoute la saga des Fab Four depuis tant d'années, ou pas, ou je suis nouveau, etc. En fait, vous ferez ce que vous voudrez. Mais on a le temps d'en parler puisqu'on a encore une bonne année devant nous. C'était la cover de la saga des Fab Four, la cover de If Not For You, et je la double cette cover parce que je l'aime bien et que Olivia Newton-John me manque aussi. Donc c'était elle en 1971 qu'elle nous a fait sa cover de If Not For You sur RIG. Et la surprise c'est après. See me wide awake. Good. Don't you think? Yeah. Any more songs to sing? Now Louisiana goes to New Orleans. We're back up in the woods among the evergreens. The little country boy named Johnny the Good. He plays guitar just like a good boy should. Go, go. Entendu. Ça s'appelle des jams. Lorsque John Lennon était en train d'enregistrer, de temps en temps, il faisait des pauses. Et puis, pendant les pauses, eh ben, tiens, si on se faisait un petit peu Johnny B. Goode, un peu Old Carol, un peu Ain't That a Shame, voilà. C'était la petite surprise parce que je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de vous le passer. D'abord parce que les fonds de tiroir que fait Mamie Yoko Évidemment, bon, je lui donne une excuse. Il y a très peu d'albums solo pour John Lennon, malheureusement. Donc, pour faire des fonds de tiroir, elle n'a plus grand-chose à nous proposer. Si c'était Paul McCartney, on aura certainement des fonds de tiroir pendant une bonne dizaine d'années, si ce n'est pas davantage. Mais voilà, ça a l'avantage d'exister, d'être mixé aussi bien que possible pour que le son soit à peu près correct. Et ça donne ça. John Lennon était un rocker, mais Paul McCartney n'est pas en reste. Écoutez ce morceau qui a été enregistré, enfin, l'album entier a été enregistré en une quinzaine de jours. Parce que Paul McCartney avait entendu dire que Bob Dylan avait enregistré un album entier en 15 jours. Il s'était dit, eh ben on va faire pareil. Et l'album Wine Life a été enregistré en 15 jours. Voici le premier titre de cet album-là, Mambo. Take it, Tony. Du 100% énergie avec cette chanson-là en 1971 sur l'album Wild Life de Paul McCartney. L'album de la semaine, c'est l'album Love, sorti en 2006. Voici un mix de Within You, Without You avec Tomorrow Never Knows. Turn off your mind, relax and float downstream. C'est un petit peu un brouhaha. Je vais en profiter pour parler dessus en attendant que ça se termine. Je vais vous proposer une chanson que je pense n'avoir jamais passée parce que ça fait partie de la mauvaise période de Ringo, celle après 1975 et avant 1981 quand j'estime moi qu'il reprend un peu du collier. Et après c'est surtout en 89 que ça devient absolument génial. Bref, à ce moment-là, il a une période très alcool, très drogue. Et ces albums, il faut bien creuser pour trouver des bonnes chansons. Et là, c'était en 1977, l'album Ringo the Fourth. C'est le début du disco. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se mettre à la mode en pensant bien faire. Et avec un petit côté coquin aussi. Can she do it like she dances? C'est Ringo Starr, pas son meilleur, mais sympa. Find out. 77 avec Ringo the Fourth. Nous sommes passés en 1976 sur l'album 33 and One Third, pas facile à dire, donc 33 et un tiers, qui était à l'origine pour nous les anciens, nous qui avons beaucoup des cheveux blancs ou gris, des choses comme ça quand on a encore des cheveux. On a connu le 33 tours qui tournait à 33 tours, un tiers. Et il se trouve également qu'à cette époque, en 1976, globalement, c'était son âge aussi, 33 ans et des poussières. Donc, il a voulu se faire un petit clin d'œil. Et puis, il était de bonne humeur, puisque si vous avez vu sur la saga des Fab Four, là, sur Facebook, on a publié le clip de cette chanson-là. C'est hilarant. Je remercie Rook ou je ne sais plus qui, parce que si je crois que c'est Rook qui le fait à chaque fois. Et c'est vraiment très très très marrant. J'aime beaucoup ces clips-là, de cet album-là, 33 and One Third. J'en connais un qui va aller boire un café, parce que nous allons passer par deux fois avec un certain John Lennon, Going Down on Love et Only People sur RG. Going down on love. carry on. And you shoot out the light, ain't coming home for the night. You know you've got to pay the price. Somebody please, please help. J'avais envie de commencer à parler en disant en 39 ans d'émission, on m'avait jamais fait le coup. Oui, mais d'un autre côté, il y a 39 ans, il n'y avait pas la diffusion sur Internet et il n'y avait pas la possibilité d'avoir une page Facebook pour pouvoir parler en direct. Oui, Jean-Marcel, c'est bien du direct absolu le mercredi soir entre 20h et 22h. Et même là, il est 21h46 à l'instant. Étant donné qu'Eric ne sera pas présent pour animer son émission de Johnny de A à Z, on va prolonger un petit peu. J'ai encore un bon paquet de chansons à vous proposer. Voici l'album Love sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Et cette chanson que vous savez que j'adore, que j'emmènerai sur une île avec un vélo, oui. Mais pas pour faire le tour de l'île à vélo, pour pouvoir donner de l'électricité, pour pouvoir écouter While My Guitar Gently Weeps dans cette version-ci, par exemple. Toutes les versions sont belles. Petite entorse à ce qu'on a dit au sujet. Oui, laisse-moi parler, John, s'il te plaît. La petite entorse à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'utilisait que des morceaux qu'avaient fait déjà les Beatles. Eh bien, là, George Martin lui-même a écrit et a dirigé l'arrangement que vous entendez derrière While My Guitar Gently Weeps. C'est absolument superbe. On reste, si vous le voulez bien, et je sais que vous le voulez bien, avec George Harrison. Avec un album étonnant. Il sort en 2012, il me semble, oui, 2012. Il s'appelle Early Takes, Volume 1. Donc, on attendait un Volume 2. Pour l'instant, rien. Et j'ai lu sur un forum un truc qui m'a fait marrer. Il y a un internaute qui écrit « On nous sort Live at the BBC alors qu'on n'avait rien demandé, on nous sort Live at the BBC 2, on n'avait même pas demandé une suite, et on nous sort un troisième album encore des Beatles de BBC, alors que là, on voudrait un George Harrison volume 2 et on n'a rien alors que tout le monde le demande. » C'est un peu curieux. Mais voici « Mama, you've been on my mind ». C'est une chanson de Dylan à l'origine, je crois. Mais c'est très très bien, il se débrouillait bien quand il faisait des reprises, George Harrison. Étonnant et très très bon à la guitare. C'est lui le lead guitariste des Beatles, l'air de rien quand même, hein. Donc il y a une raison. Bref, en théorie, il n'aurait dû rester que 6 minutes d'émission avant Eric, mais Eric ne sera pas là ce soir. Et vous voyez le problème que j'ai chaque mercredi. Il me reste 1, 2, 3, 4 chansons à passer en 6 minutes, dont 2 minutes de générique. Donc en théorie, chaque fois, chaque mercredi, j'en enlève parce que ou j'ai trop parlé, ou j'ai mal calculé le temps, et puis je suis obligé d'en retirer. Et bien là, on retire rien du tout, on met tout. Voici encore un frère, George Harrison. En 1982, sur l'album Gone Tropo, pas son meilleur album, mais une belle chanson, là, celle-ci. That's the way it goes, sur RIG 90.7. Le mercredi soir, c'est la radio des Beatles. Let's go. Back. Harry Bulldog fut enregistré le 11 février 1968, alors que les Beatles se trouvaient dans les studios d'Abbey Road pour tourner le film de promotion de Lady Madonna. Paul leur suggéra que, au lieu de faire semblant d'être en train d'enregistrer Lady Madonna, il ferait mieux d'enregistrer réellement quelque chose. John sortit alors un texte inachevé qu'il avait écrit pour le dessin animé Yellow Submarine. Il expliqua aux autres que ce qu'il avait en tête avec cette chanson, et tous se mirent à faire des suggestions pour les paroles. Un des vers déjà écrits par John, « Some kind of solitude is measured out in news », un type de solitude de se mesure en nouvelles, devint « is measured out in you », se mesure en toi, suite à une erreur de lecture. Il est possible que l'erreur de Paul ne soit pas tout à fait involontaire. Et ils décidèrent de ne pas la corriger. Le bulldog du titre n'existait pas avant la séance d'enregistrement. Les paroles originales parlaient d'une grenouille, « bullfrog ». Mais l'assonance poussa Paul à aboyer à la fin de la chanson, au grand amusement de tous les autres. Ils décidèrent donc de changer le titre et d'adapter les paroles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'avant-dernière chanson de la saga des Fab Four. Voici la dernière, tout seul, en 1974, sur le bon album Goodnight Vienna de Ringo Starr. Voici la chanson All By Myself. Ça n'a rien à voir avec celle que chantait Céline Dion. Rien à voir. Et c'est bien quand même. Out my window, I watched all the people go by. I wonder what happens and who's taking who for a ride. Well, don't you know I'm bound? I'm bound to pick up the pieces and watch them land. I'm standing all by myself. Starting all over again. I just started smiling. I'm making myself some new friends. Don't you know I got a brand new feeling. I just can't hide. J'ai adoré les analogues que j'ai eu l'occasion de voir hier soir au Théâtre Fémina à Bordeaux. Je vous conseille, s'ils passent dans votre région, allez les voir. Ils sont fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et le cadeau, c'est 7 chansons en live, pas dans l'ordre dans lequel ils les ont chantées sur scène hier soir, mais comme j'ai les albums, parce que je n'aime pas moi repiquer comme ça à droite à gauche, je les achète pour vous. Voici la première chanson, Good Morning, pour commencer cette fin de saga uniquement consacrée aux Analogues. downstairs. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Ils ont dû faire comme nous au moment du piano à la fin. Ils ont fait chut comme ça, juste avec le doigt, mais à la radio c'est pour que vous compreniez mieux, pour que tout le monde se taise, qu'on entende le bruit du piano. Et puis au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Vous savez qu'hier soir, ils ont eu droit, les analogues, à une standing ovation. On s'est tous levés sur la fin du show pour les remercier, les applaudir autant qu'on pouvait, parce que vraiment, quelle qualité, vraiment, c'est très très bon. Mais, comme je le disais il y a quelques instants sur Facebook, ben, on n'est pas McCartney, on n'est pas John Lennon qui essaie de le faire pourtant, parce que sur Oh Darling, par exemple, il manquait un peu de pour pousser. Ils ont même fait ça, oui, c'est vrai. Il manquait ça. Et d'autres titres, même de John, on sentait que sur I Want You, voilà, c'est ça, c'était pas tout à fait ça. Mais c'est pour ça qu'ils ont eu du succès, les Beatles, parce qu'il y avait des génies par là. Voilà. Nous étions en 1967, nous passons en 1968. Les analogues pour vous dans la saga des Fab Four. See it me sweeping. des gars absolument, des gars et des filles, puisqu'il y avait des quatuors de cordes, absolument fantastiques et qui respectent la musique des Beatles en la jouant à la note près, ou à peu près. J'ai eu des amis musiciens dans la salle qui m'ont dit que c'était pas toujours totalement ça, mais quand même, on était vachement proches. Et comme l'a dit Rook sur Facebook, ils ont poussé le vice jusqu'à acheter à force des instruments d'époque. Ils jouent avec des instruments des années 60. Et lorsque ils ont chanté, par exemple, Maxwell Silverhammer, il y avait une enclume et le gars tapait, j'étais pas très loin de l'enclume, je voyais l'enclume bouger parce qu'il y allait bien, il y allait bien fort. C'était absolument génial. Allez, nous étions en 68, on passe en 69, mais pas pour longtemps. Les analogues sur RIG spécialement pour vous, les auditeurs fidèles, et puis ceux qui arrivent aussi, puisqu'il y en a de plus en plus, et tant mieux. Le fameux morceau un peu trop long pour une certaine copine. On adore. Je suis pour rien, c'était pas programmé à l'origine. Hein. I want you. Les analogues. I want you. I want you so bad, babe. I want. I want you so bad. I want.

Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je suis fatigué, j'avoue. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut au nouveau. Et on a dépassé les 900, alors qu'en avril de cette année, quand j'ai arrêté à cause de mon opération, on était à 800, à peine 800 et une petite brouette, presque rien. Chapeau, une centaine de membres en plus, c'est bien. Pas une centaine qui sont en train d'écouter forcément, ou en tout cas d'intervenir sur Facebook. Heureusement, parce que je pense que si on était une centaine à intervenir sur Facebook, ce serait le bordel. Et je ne pourrais pas en placer une et j'aurais pas le temps. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes. Vraiment, vous êtes le fil conducteur de cette émission. C'est grâce à vous que je continue à la faire parce que j'adore la faire pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. Salut.